anche che è meno distante. E cerco luce, voglio luce, urlo la mia voce, perché dei coglioni si rispecchiano nel duce. Paragone atroce, strappo che non cuce, merda della storia, feccia che si riproduce. E passa il tempo, cambiano le stagioni, qui va sempre peggio Mussolini o Berlusconi. Cosa ne sarà del nostro domani, se anziché lottare alzeremo le mani? E voi tranquilli a casa che mangiate e bevete, vi ruberanno l'anima e non ve ne accorgerete. Sta tornando in buio anche se non lo vedete, la storia si ripete, la storia si ripete. Picciotte che sentite, picciotte che capite, picciotte che pensate che... Ben la mer s'en va pas, et nous crève à rester là. Et le funambule, beau qu'il est, marchant sur son fil, Charlie disait l'albatros, il est mort à marcher sur la terre. Mais c'est pas fini, on va continuer à voler dans les airs et les supermarchés. Pour nous donner l'air de ne pas rien faire et pour manger, on va s'aimer encore là pendant des années. Moi j'étais là, moi, monsieur. Et puis il y avait Ginette qui valse en guinguette, qui a toujours un verre d'avance. Des fois qu'on ferme la dernière porte, c'est pour rêver et faire la fête. Il y a les musiciens sur les tréteaux, tôt ou tard ça va s'écrouler, mais leur histoire on s'en fout, on s'en fout, faux. Il y a Ginette qui continue à tourner sur cette aire de ferraille et de verre cassé. Allez Ginette! Allez Ginette! Allez la belle! Oh Ginette! Allez! Allez Ginette! Oh Ginette, allez, allez Ginette. Allez Ginette. La mer elle s'invente pas, et nous on crève à rester là, et c'est tout. J'achète un fusil, tant pis. Je tue un curieux, tant mieux. Je vends mon fusil, merci. Thank you. Bienvenidas y ongi etori y welcome y todo. Ahora la música. Pues esta semana un programa un poquito improvisado por eso, porque la semana pasada pues eso nos dejó, se murió, vamos, el George Moustaki. El 27 de mayo. Tenía 79 años y vamos, es un gran poeta francés, cantautor. Pues hoy le vamos a dedicar el programa, ¿no? Lo definían como un hombre simple, natural, vivo, divertido, picante. Un ciudadano del mundo, donde su territorio era donde ponía sus pies. Escribió para mucha gente, para Bárbara, para Edith Piaf, para Reggiani, para muchas más músicas de para el cinema, para películas. Y vamos a ir ya directamente con un tema, pero una versión del Joe Star, del rapero Joe Star, que ha hecho el tema más conocido que escucharemos luego en castellano. Pero el que se llama Le Métèque, lo traducen como el extranjero, pero yo creo que mejor el forastero igual. Pero vamos, va en este sentido, lo escucharemos luego. Y vamos con la versión hip hop de 2009 de Joe Star, el cantante de NTM, Nick Tamer. Avec ma gueule de métèque. Avec ma gueule de métèque. Maganage de négréron, toujours aussi réfractaire à vouloir entrer dans le rang. Avec vous je serai franc, franc impossible. Dans le rang impossible, votre morale au crime. Qu'on me délaisse de mon ego, ça me rend sale sur l'écran. Ça me rend sale dans mon flow. Et là y'a plus d'idéaux, et donc je deviens accro à la suffisance, la violence est là pour vous braves gens, ah. J'en ai trop, avec ma gueule de métèque. Mon œil de prédateur, en phase avec son temps. J'ai poussé sans tuteur, poussé comme une mauvaise herbe. Comme un monde croit tout seul. Qu'on me dicte mon attitude, vous la gerbe. C'est la merde, c'est la merde. Avec ma gueule, avec ma gueule de métèque. Un pistolet qui s'est bastonné. À qui on a pris tout volé, si peu donné. J'ai pris des branlés par un père déserteur. Au point d'en espérer qu'en enfer y ait du bonheur. La perception atrophiée. Et c'est pas votre moralité qui m'a habillé. Parce qu'anormal est l'isolement dans lequel j'ai pu nager, dans lequel on m'a plombé. Auquel personne n'a jamais voulu rien changer. Avec ma gueule de métèque, abreuvé par la passion. Mon sacerdoce c'est ma mission. Et si récompense il y a, mon cœur me guide. Pas. Rien n'est acquis, je l'ai toujours pris ça. Ça m'inquiète pas, ça m'inquiète pas. Ah, ah, ah. Avec ma gueule, avec mon air aigri amer, galbé comme un fil de fer, affûté pour la guerre. Je roule pour la maison mère, avec ma gueule je fais bélec. J'ai pas une ganache de dieu grec. Il est possible qu'on m'arrête ou par erreur qu'on m'affrète. Avec ma bouche qui a trop dit, mon air obtus qui pue la rue. Cette façon d'être à la fuite et en même temps d'être à la rue. Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver. Avec mes rêves de délinquant, mes coups de sang incessants. Avec ma gueule de métier, héritière d'une souffrance lointaine. Je veux pas finir en victime, ni même finir à freine. Avec son visage, ses yeux verts, tout me rapproche de ma mère. Tout m'éloigne de mon père, grâce à qui j'ai ce goût amer. Avec ma gueule de... Esa era la versión de Joe Star del Metek. Mola, Pues eso, un poco sobre Mustaki, pues... Era nacido Giuseppe Mustachi en 34 en Alejandría, de padres judíos griegos, educado en la escuela francesa poliglota desde pequeño. No, es hijo de padres que hablaban 5 o 6 idiomas. Y pues llegó a París a su adolescencia. Y pues vivió un tiempo vendiendo puerta a puerta libros de poesía. Y pues rápidamente descubrió a Georges Brassens, que le transmitió su vocación por la canción y de quien tomó el nombre de Georges. Dedicadas un poco, y Brassens fue el encargado de introducirlo con éxito al mundillo de la canción parisiense. Y de ahí, pues, conoció y trabajó con todos los grandes, lo que dijo un poco antes, pues empezando por Edith Piaf, para quien escribo la letra de Milord, el tema que si podemos pasaremos después, y un tema... y para Barbara también, con la que contó la Dame Brune. Y ella dijo de Mustaki que era mi ternura, decía. Y pues eso, escribió más de 300 canciones para personalidades. Ahí de Yves Montand, Juliette Gréco, Dalida, Reggiani. Y pues eso, y su tema más que lo reveló un poco fue el Metek, este que acabamos de escuchar en la versión más moderna. Luego pasaremos la versión más en castellano, vamos. Y vamos a poner la que canta con la Bárbara y que se llama la Dame Brune, la Dama Bruna. Pour une longue dame brune, j'ai inventé une chanson au clair de la lune, quelques couplets. Si jamais elle l'entend un jour, elle saura que c'est une chanson d'amour pour elle et moi. Je suis la longue dame brune que tu attends. Je suis la longue dame brune et je t'entends. Chante encore au clair de la lune, je viens vers toi. Ta guitare orgue de fortune qui t'aimait pas. Pierrot m'avait prêté sa plume ce matin-là. À ma guitare de fortune, j'ai pris le la. Je me suis pris pour un poète en écrivant les mots qui passaient par ma tête comme le vent. Pierrot t'avait prêté sa plume cette nuit-là. À ta guitare de fortune, tu pris le la. Et je t'ai pris pour un poète en écoutant les mots qui passaient par ta tête comme le vent. J'ai habillé la dame brune dans mes pensées d'un morceau de voile de brume et de rosée. J'ai fait son lit contre ma peau pour qu'elle soit bien, bien à l'abri et bien au chaud contre mes mains. Habillé de voile de brume et de rosée, je suis la longue dame brune de ta pensée. Chante encore au clair de la lune, je viens vers toi. À travers les monts et les dunes, j'entends ta voix. Pour une longue dame brune, j'ai inventé une chanson au clair de la lune, quelques couplets. Je sais qu'elle l'entendra un jour, qui sait demain, pour que cette chanson d'amour finisse bien. Bonjour, je suis la dame brune, j'ai tant marché. Bonjour, je suis la dame brune, je t'ai trouvée. Fais-moi place au creux de ton lit, je serai bien. Bien au chaud et bien à l'abri contre tes reins. La dame brune, Moustaki y Bárbara, una de las grandes voces por su época, vamos a decir. Y eso, estáis en Urala Music, en la Irla Irratia, y hoy especial George Moustaki, que pues eso, que se murió hace una semana o así. Y pues eso, era un... Dijo la Juliette Gréco que era como todos los poetas, alguien diferente. Era un hombre elegante que tenía una dulzura infinita y luego el talento. Añadió emocionado. Pero eso, la escritura de Moustaki era una suerte de referencia, de una simplicidad aparente, en realidad... Era una verdadera escritura en profundidad que nos extremadamente preciada, como la libertad, la soledad. Y pues, este hombre era conocido también por ser un hombre de izquierdas, desde su apoyo a la revuelta juvenil de mayo del 68 en las últimas presidenciales de 2012, no dudó en apoyar públicamente a Philippe Poutou, que nadie conoce, el candidato del partido de extrema izquierda, nuevo partido anticapitalista. Un joven que sale de la nada y que quiere cambiar un poco todo. Pues este lo apoyó ahí y dijo que así mi sensibilidad se acerca a los libertarios, a los huelguistas, no a una ideología ni a un movimiento. No tengo ni la vocación ni la misión de imponer mis ideas. Y pues vamos a poner un temita que va con eso. Se llama Sans la nommer, sin nombrarla. Pero lo nombra, la llama al final. Y se llama la revolución permanente. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille

para poderla assicurare. Con mi faccia d'estranjero fuggio errante e pastor griego con mi scabello salazar che vengo a ti mi dulce amiga gran manantiale in mi fatiga tus 20 años a buscar io sarò si lo deseas principe azul con tus ideas igual che tu puedo soñar y detener cada momento, parar el sol, parar el viento, vivir aquí la eternidad. Así contigo he de lograr vivir aquí la eternidad. Igual que tú yo sé soñar. Ahí era el Metec. Y bueno, y estamos en la Irola Iratia, en Ula la Musique. Vamos a seguir directo con el tiempo de vivir, ¿no? Se llama, porque él era... Lo decían sus colegas, sus amigos, que era un hombre que nunca tenía prisa y que cogía ese tiempo para vivir. Prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude. Nous pourrons rêver notre vie. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis. Écoute ces mots qui vibrent sur les murs du mois de mai. Il nous dit la certitude que changer un jour. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis. Prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude. Notre vie. Pues eso era el tiempo de vivir, ¿no? Que hay que coger más igual. Y pues, sencillo, culto, solidario, así define al músico, el cantautor y pionero de la canción catalana, el Xavier Ribalta. Con Mustaki coincidió en numerosos conciertos en Francia durante el franquismo.

Ouais, c'est là le flamenco de Mustaki. Si, si, sigue diciendo là la musique, et aquí también hay flamenco de vez en cuando. Eh? Es flamenco francés, vamos. Et, pues eso, el Ribalta recuerda también muy especialmente la aclamada actuación de Mustaki en el concierto celebrado en junio de 77. A favor de la resistencia argentina, ¿no? Contra la sangrienta junta militar instaurada por el dictador Jorge Videla. Y que él también recién fallecido, ¿no? Suerte, suerte. Pues vamos a seguir con un tema de Mustaki cantada en español, como en castellano. Y se llama Ma solitud, mi soledad. Para ver con mi soledad, tantas noches dormido, me voy acostumbrando ya, casi somos amigos, fielmente siempre me siguió, el paso como sombra, por esos caminos de Dios, que anduve por el mundo. No estoy solo jamás, tengo mi soledad. Cuando descansa junto a mí, no me deja casi cama. Son largas noches sin dormir, con ella cara a cara. No sé hasta qué complicidad he de llegar con ella, tomarle gusto de verdad, o buscarme otra bella. No, no estoy solo jamás, tengo mi soledad. Por ella yo tanto lloré, cuanto aprendí de vida. Si la repudio alguna vez, no será por vencida. Aunque me dé por adorar a otra cortesana, será cuando el juicio final mi verdadera hermana. No estoy solo jamás, tengo mi soledad. No, no estoy solo jamás, tengo mi soledad. Pues eso era el tema mi soledad, ma solitud, y vamos a seguir directo con un tema que se llama, pues, ma liberté, ¿no? Mi libertad. Y este, pues este tema, el Mustaki lo dedica, le da un homenaje a toda una época, ¿no? Que no ha tenido tanta libertad. Y pues nosotros lo dedicaremos a la Juanita y a su ama Julia, que con esta canción aprendieron el francés hace unos cuantos años ya. Así que para vosotras. Liberté, longtemps je t'ai gardé. Le rêve, ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Pues era el Mustaki Ma Liberté y en un directo, además de época, ¿eh? Entonces, pues vamos siguiendo, ¿no? Con otro tema que, porque este hombre que sabía tantos idiomas, pues canto con Imanol, que lo conoceráis, imagino, gente de por aquí, que cantante o cantautor, ¿no? De vasco, ¿no? Y pues eso, hicieron un tema con, ¿no? con la cual, en lo cual, ¿no? Compartieron voces. Compositor de la misma sobre un poema de John Mirand, pues el Mustaki toca ahí la guitarra melódica. Y junto a un Vicente Martínez, al Buzuki y la mandolina. Y pues esta canción a mí me ha gustado, no la conocía en euskera, la he descubierto hace poco y ahí se llama Sergatik. Zergatik ikasi antzekoz gero, ikasiak oro zergatik ikusi. Hainbertze lurralde, hainbat jende, zergatik ikasi gero ikasiak oro. Ezer ezin eutxi zergatik lastandu, zergatik iguindu iare doetzi. Non naiz izango, aiez naiz ordongo,

pau, é uma pedra, é o fim do caminho, é um resto de tubo, é um pouco sozinho, é uma cobra, é um pau, é o João e José, é um espinho na mão, é um corte no pé, salagada de março, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração, é o pau, é o pedra, é o fim do caminho, é um resto de tubo, é um pouco sozinho. Uma ponte, é um sapo marrar, é um belo horizonte, uma febre dançar, salagada de março, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. Pedra, caminho, toco, sozinho. Pedra, caminho. Eso, el Aguas de Marzo, y con una ubicación mía, ¿no? Que, claro, que es del Jobim, se llama Tom Jobim, y la versión francesa y traducción es de Moustaki. Con, pues eso, nos queda ya poquito a poquito y vamos a poner otra versión de Lometec, ¿no? Para irnos con un poco de ritmo... veranal que claro, con el sol que hace, pues vamos con Alfa Blondi, ¿no? Un poco, y que nos hace el Rastametec. Estáis en Airola y Ratilla. De Necmetec, de Juiferon, de Rasta Grec, et mes dreadlocks sont fervent. Avec mes yeux tout de laver, qui me donne l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de nègre métèque, de juif errant, de rasta grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et à tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert, sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de nègre, mes têtes des juifs errants, de rasta grec et mes dreadlocks aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme et sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à mourir. El Meteco versión Alfa Blondi, precisamente por su condición de Meteco, de extranjero en Francia o en el mundo, pues Moustaki se volcó siempre hacia los que sufrían cualquier tipo de opresión o persecución política. Y pues yo creo que es ahí que tenemos que ir todos, ¿no? Que más allá de pensar en una ideología negra, roja o verde, pues solo echar la manita a los que la necesitan, ¿no? Y pues nos despedimos ahí con una cosa que hay nada que ver hoy, pero nos los han pedido, lo dedicamos ahí al David, a Esther, a la Juanita, a la Mapola y a mí tampoco, también, ¿no? L'arrogance du son qui sort du fond de la cave. Des cicatrices et quelques livres comme bagage. J'ai faim, je te l'ai déjà dit, je viens forcer le barrage. Voilà pour te servir la soupe à la louche. Et t'entends, dis pourquoi tu tousses quand j'ouvre la bouche. Allez bouge, t'as reconnu la touche qui fait mouche. Quand les vandales se redéploient, les vendus se couchent. Allume la mèche d'une dynamite héréditaire. Je suis ce chroniqueur qui ne répond pas à leurs critères. Je dégarfe, je mets les pieds, parano, j'ai mes repères. Il n'est pas question de plier quand les taux se resserrent. Et j'attends le sabotage, je vais gripper la machine, imprévu le coup du sort. Faire valser le décor, je veux dégraisser le port. Puis redresser les chines, inverser la vapeur et voir la peur changer de bord. D'urgent, crier. Savent muser la foule. Quelques miettes et ça picore, ça roucoule. Sa vie enfermée, tranquille, comme une boule. Faudrait que le chien en moi s'arrête de grogner. Qu'il rampe ou se bouche, transit de peur de se faire cogner. Faudrait qu'il fasse le beau pour un morceau de sucre. Qu'il lève la voix quand on lui demande sans montrer les crocs. Erreur de formatage, le mien refuse le dressage. Il ne peut voir au fond de ses yeux qu'un mauvais présage. Comme un étrange mélange, un sulfureux dosage. Au fond de ses yeux, que de la colère partant de rage. Et j'attends le sabotage, je veux gripper la machine, imprévu le coup du sort. Faire valser le décor, je veux dégraisser le port. Redresser les chines, inverser la vapeur et voir la peur changer de bord. D'urgent crier. D'urgent crier. C'est le peuple de l'herbe et ahí nos despedimos de la musique y esto pues era eso para David, Esther, Juanita, Amapola y yo, dedicado por desde ellos. Nos han llamado hoy, nos han llamado mucha gente, dos llamadas, dos dedicaces y pues ahí nos veremos en la Aurora Irratia, nos oiremos por las ondas en Urala Music y hasta la semana que viene estaremos seguramente en entrevista con Letet Head, sí, sí. Y pues agur y cuidado a lo que viene de la izquierda, cuidado que viene de la derecha y mirar adelante y nos vamos con